au 5 septembre 2016. Le samedi 28 novembre, la Maison de la littérature présente La logique du pire, l'ensemble vocal de Étienne Lepage. Une collection de monologues doux-amers qui jouent avec le débit, la répétition et les intonations sur la musique de Robert Marcel Lepage et son quintet, accompagné des illustrations de Francis Desharnais. Trois disciplines pour un spectacle qui a tout de l'indiscipliné. Billets à la Maison de la littérature et sur Billettech. La Maison de la littérature, votre maison pour écrire, lire, vivre. Les âges, le temps teste tes vertus. Petit renard, il te faudra bien du courage pour pas finir perdu. L'espace et l'orage, derrière le soleil brille, as-tu vu? Si je te disais, tout peut changer, me croirais-tu? Eh bien oui, j'ai la misère à siffler, mais je promets qu'avant la fin de l'année de Grains de sable, je vais être capable de siffler en même temps. J'essaie toujours, mais je sais pas. Ça me sert plutôt de réchauffement. Bienvenue au Grain de sable. Jean Cloutier, Étienne Blondeau aujourd'hui. On va vous parler de la Chine, mais pas de n'importe quelle manière, la manière que le Grain de sable est capable de le faire. Donc, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue à ce Grain de sable spécial COP21 aussi. Bien, évidemment, on va vous parler de ce qui s'en vient ou de ce qui s'en vient pas à Paris, vous savez, avec les attentats. Beaucoup de manifestations ont été annulées et Attaque France, par le porte-parole Maxime Combes, qui était présent à l'Assemblée générale annuelle par la voix de Skype à l'Assemblée générale annuelle de Attaque Québec. Eh bien, il a travaillé toute la semaine à essayer de faire en sorte que toutes les manifestations prévues, surtout les manifestations monstres, où on attendait plus de 200 000 personnes, celles du 29 novembre à Paris et du 12 décembre pour commémorer la signature ou non d'un protocole de Paris ou du protocole de Kyoto lui-même pour certains pays, dont le Vatican et le Canada, eh bien, coudonc, ces manifestations-là ont été officiellement annulées par le gouvernement français, par la voix de Laurent Fabius, mais Attaque France, comme on le connaît, et Attaque Québec, va probablement les supporter officiellement, éventuellement, mais moi je leur suggère fortement de faire comme Attaque France, comme Maxime Combes, d'encourager la désobéissance civile. Qu'est-ce que tu en penses, Étienne Blondeau? Ça a du bon parce que ce serait assez dommage qu'une réunion aussi importante que celle-là se fasse, je dirais, à l'abri de la population, en les tenant à bout de bras et en discutant finalement entre gens de pouvoir, sans vraiment vouloir prendre le pouls de la population, ce qu'ils en pensent, est-ce qu'ils sont d'accord avec ce qui se dit et est-ce qu'ils seront surtout opposés. Est-ce que la population sera opposée, je dirais, aux objectifs, je crois, assez faibles qui vont être choisis dans ces journées-là? Je pense pas qu'il faut s'attendre à des déclarations très ambitieuses pour réduire les gaz à effet de serre au COP21. Oui, d'ailleurs, on va parler de la Chine, qui est quand même, malgré tout, un bon exemple de citoyen planétaire en ce qui a trait aux efforts à faire pour empêcher les dérèglements climatiques, hein, parce que le changement climatique, je pense, c'est un peu galvaudé, puis ça veut rien dire, puis ça veut tout dire, mais on parle plutôt de dérèglements climatiques. Et la Chine a planifié la fermeture de 1254 mines de charbon en mai 2015, elle annonçait ça, mais pour cette année, selon une annonce conjointe, l'administration de l'énergie et l'administration de la sûreté des mines de charbon. Donc en 2014, la production de charbon en Chine a diminué de 2,5%. La première baisse en 14 ans, on s'attend une baisse encore plus importante dans la prochaine année. Donc, la Chine aussi a signé une sorte d'entente bilatérale pré-COP21. Alors, il y a un certain leadership que les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine font, entreprennent. Et ça, on n'entend pas ça du côté de l'Inde, on n'entend pas ça du côté de la Russie. Donc, essentiellement, à Paris, il y aura de ces grandes négociations-là. Et quand on a la Chine, les États-Unis d'Amérique et la France, évidemment, et l'Europe, qui font front commun et que nous, ici au Canada, enfin, on s'est débarrassé du gouvernement Harper, cancre de l'environnement mondial, qui gagnait les prix Citron. Et d'ailleurs, je sais que c'est la semaine prochaine qu'on va annoncer les prix Citron de l'environnement. Je serai sur place d'ailleurs pour assister à certaines conférences de presse ou faire le suivi de ces prix qui sont choisis par les gens d'Action Climat à travers le monde. Et restez avec nous donc en deuxième demi-heure. On va parler avec Alizée, qui est une des organisatrices d'Équiterre, qui organise la marche, qu'on pourrait dire mondiale, la marche à Ottawa, qui, en fait, prend encore plus d'importance qu'on pensait, parce que le fait que les marches à Paris soient interdites et que beaucoup de groupes, des ONG, des OING et des groupes, des Amis de la Terre internationaux, j'ai toujours la misère avec ça, parce que, en fait, l'association des Amis de la Terre internationale existe, mais on est quand même des Amis de la Terre internationaux, eh bien, eux veulent vraiment encourager qu'on marche avec Attac France, qu'on marche ailleurs dans le monde qu'à Paris pour compenser et que les gens marchent en faisant référence justement à la marche qu'on ne peut pas faire à Paris le 29 novembre et les 12 décembre. Mais il y a quand même des manifestations justement de désobéissance civile. Ici, je pense à mon idole Henri-David Thoreau qui a écrit La désobéissance civile et qui, dans le fond, on le sait peut-être pas, mais la désobéissance civile, ça a un peu à voir avec ce que les étudiants faisait ici il y a quelques années, qu'on encourageait fortement, mais Thoreau, dans le fond, il a encouragé la désobéissance civile à ne pas payer ses taxes pour ne pas financer la guerre des Américains, des États-Unis contre ce qu'on pourrait appeler le Mexique aujourd'hui. Et donc, dans le coin de la Californie, on se battait pour le territoire. Évidemment, c'est des Américains du Nord qui ont gagné contre les Mexicains, mais aussi bizarre ça puisse paraître, Henri-David Thoreau n'est pas beaucoup connu au Mexique. Quand je suis allé, j'ai tenté de le faire connaître un peu plus à des leaders écologistes là-bas, et je pense que ça a marché, puisque il souhaitait qu'on ne paye pas ses taxes pour ne pas financer la guerre qui permettait effectivement l'expansionnisme des Américains du temps. Donc, l'équivalent aujourd'hui, ce serait de dire, ben, payons pas nos taxes ici au Canada, parce que si vous n'avez pas réalisé, le Canada est en guerre à l'heure actuelle, puisque, comme signataire du traité de l'Atlantique du Nord, l'OTAN, la France ayant déclaré la guerre, nous sommes solidaires. Donc, il s'agirait d'un petit coup de fil du président François Hollande à notre premier ministre canadien fédéral, Justin Trudeau, pour qu'il, effectivement, peut-être décide de retirer ses 6 petits avions supersoniques pour y envoyer des militaires en grand nombre. Donc, nous sommes en guerre, d'ailleurs. Pour venir ici, je suis passé devant une partie là, de ce qu'on pourrait appeler la base militaire sur le boulevard Charest, et on voit les camions s'activer, les militaires sortir du subway avec leur café dans les mains, puis leur sous-marin, avec leur enseigne de la Croix-Rouge. Donc, il y a une présence canadienne qui va s'accroître au Moyen-Orient. Est-ce que c'est des bonnes nouvelles? Non. Pour résumer. On est en guerre, mes amis. Donc, effectivement, à l'avenue de faire votre rapport d'impôt, on pourra peut-être inviter Dominique Boisvert, un ami du groupe de simplicité volontaire de Montréal, qui, lui, a une formule qui calcule le pourcentage de nos impôts qui sert à la guerre au Canada. Donc, si on veut se faire des Henri-David Thoreau de nous-mêmes, on pourrait dire, quand on envoie notre rapport d'impôt là, dans les prochains mois, voici, moi, je retiens tel montant d'argent, puisque je suis un pacifiste, je suis contre la guerre. Alors, quel beau grain de sable à mettre dans notre société, en disant, et semble-t-il que ça marche. Il y a un certain montant qu'on a le droit de retirer de nos impôts à payer, à déduire à notre source, qu'on peut justifier. Donc, on en reparlera en temps et lieu dans le temps de rapport d'impôt. Ça serait un beau grain de sable à dire, puisque le Canada est en guerre et que nous, on est contre la guerre, eh bien, on pourrait peut-être encourager de moins, au moins, du moins, ne pas financer. Mais, tu sais, Thoreau il s'est retrouvé en prison à cause de ça. Ouais. Mais une journée, un de ses bons amis ou de la parenté à lui, une tante, aurait été payée le dû de ses impôts qu'il refusait de payer. Après cette ouverture sur COP21 et un petit peu de Chine, t'es prêt, Étienne, après cette chanson que je trouve très émouvante dans les circonstances, étant donné les risques de voyager en France et le voyage que notre premier ministre Trudeau a fait à travers le monde, où on l'a vu pensant faire une lune de miel, peut-être se retrouver dans le trouble. Moi, Canadien, errant, banni de ses foyers, ne Canadien, errant, banni de ses foyers, parcourait en pleurant des pays étrangers, parcourait en pleurant. Triste et pensif, assis au bord des flots. Un jour triste et pensif, assis au bord des flots. Au courant fugitif, il adressa ses mots. Au courant fugitif, il adressa ces mots. Si tu vois mon pays malheureux, si tu vois mon pays malheureux, va dire à mes amis que je me souviens. Va dire à mes amis que je me souviens d'eux. Au jour si plein d'appât, vous êtes disparu. Au jour si plein d'appât, vous êtes disparu. Et ma patrie, hélas, je ne la verrai plus. Et ma patrie, hélas, je ne la verrai plus. Quelle tristesse. Merci beaucoup, l'ensemble Nouvelle-France, de nous chanter à l'époque de Julie Papineau, un Canadien errant. Sachant que le Canadien de ce temps-là, c'est pas le Canadien à la Trudeau, là, c'est le Canadien, le Canadien, là, le Canadien... Patriote, avant que l'expression « Canadian » soit traduite en français pour « Canadien ». Alors, effectivement, c'est à l'époque où on a composé des chants patriotiques qui, par hasard, se retrouvent aujourd'hui comme étant l'hymne national du Canada, au Canada, avec un poète de Québec et des compositeurs de Québec, faut le dire fièrement. À la venue du 150e anniversaire du Canada, on va sûrement entendre parler de ces choses-là. Étienne Blondeau, oui. La Chine, ils ont une position écologiste. Qu'est-ce qu'on a à dire sur la Chine et le monde écologique? Ben moi, je dois avouer qu'ils me surprennent, parce que s'il y a bien un pays qui avait recours à la production d'énergie avec le charbon, les usines thermiques, c'était bien la Chine. Et on peut imaginer difficilement quelque chose de pire au niveau des émissions de gaz à effet de serre que le charbon. Mais c'est vraiment étonnant la progression que la Chine a fait au niveau de l'écologie. En novembre 2014, il y a un an à peine, la Chine a fait des promesses conjointement à Obama. On voyait le dirigeant chinois et Obama. Promettrait que les deux pays collaboreraient pour réduire leurs émissions. Alors, c'était vraiment sans précédent, parce que, évidemment, la Chine, comme d'autres pays du tiers-monde, pouvait utiliser le prétexte, je vais avouer que c'est un bon prétexte, mais utilisait le prétexte de leur retard termes de développement économique pour ne pas se presser à réduire leurs gaz à effet de serre. Mais en novembre 2014, la Chine a dit qu'elle s'organiserait pour avoir un pic d'émissions de CO2 en 2030. Parce que, bon, faut le dire, ils vont encore croître. Il s'agit de contrôler la croissance ici. Obama, lui, en retour, a dit que les États-Unis allaient réduire du quart leurs émissions d'ici 2025. Et là, un an plus tard, on a François Hollande qui passe à Pékin pour préparer le terrain pour cette réunion-là de COP21, dont on reparlera. Il a pu obtenir, lui aussi, des promesses du côté de la Chine. Une promesse comme quoi tous les 5 ans, la Chine et les autres pays de COP21 feront un bilan. À chaque 5 ans, quels sont nos résultats au niveau des émissions à gaz à effet de serre? Est-ce qu'on progresse? Est-ce qu'on régresse? Ça va être très intéressant d'évaluer ça tous les 5 ans, commençant dès bientôt finalement, dès 2017-2018, pour vérifier si les émissions de CO2 décroissent. Et je dois avouer que la France s'est montrée assez futée, parce que lorsqu'on organise une réunion, l'organisateur doit s'assurer de rencontrer tous les participants un à un pour s'assurer de résoudre les conflits, pour pas que les conflits s'invitent à la réunion et que ce soit du crêpage de chignon. Alors, il s'assure que la Chine a le bon état d'esprit avant même de l'inviter à Paris. Moi, je trouve ça futé personnellement. Le seul problème au niveau écologique, c'est que ce sont des belles promesses. Est-ce qu'elles seront tenues? C'est difficile à dire, parce que la Chine connaît des problèmes économiques. Hein. Tout récemment, on a eu le 24 juin, le lundi noir de la bourse de Shanghai. Là, les prix boursiers ont baissé tout à coup. Et la Chine, finalement, est en lutte économique, il faut le dire, avec les États-Unis. On a les deux géants économiques mondiaux. Les deux hégémons, comme on c'est dit ça, dans le milieu. Le bon terme, c'est ça, c'est hégémon, qui se regarde en chien de faïence. On a Washington qui a son dollar américain, et de l'autre côté, Pékin qui a son yuan, et on se demande quelle monnaie va dominer le marché, va dominer l'économie mondiale. C'est pour ça que je dois parler de quelque chose d'étonnant. Alors que nous, ici, on connaissait la crise financière de 2008, en Chine, il se publiait un livre qui est devenu un best-seller, qui s'appelle Currency Wars, écrit par un économiste qui s'appelle Song Hongbing. C'est devenu, finalement, les Chinois s'arrachaient ce livre-là, qui s'est vendu à plus de 2 millions d'exemplaires. Nous, on a du mal à imaginer ce genre de chiffre de vente-là ici, 2 millions, surtout quand il est question de monnaie, qui n'est pas le sujet peut-être qui nous passionne le plus, alors que c'est le nerf de la guerre. Alors que tout le monde devrait en parler finalement. Les Chinois ont comme une longueur d'avance qu'on prend dans le jeu. C'est pour ça que j'ai décidé de regarder quelle est la position chinoise. Lorsqu'on imagine Washington et Pékin comme rivaux, qu'est-ce qu'il y en est réellement? Alors moi j'ai regardé un texte qui s'appelle « Une route, une ceinture ». J'ai déjà mis ça il y a moins d'un mois sur notre blog. Là, le lien, vous pourriez le consulter dès maintenant. C'est un texte qui vient d'une allocution d'un général-major de l'armée populaire de Chine, de l'armée de l'air, qui s'appelle Xiao Liang. Lui, il a présenté probablement à l'Université de défense de Pékin, début 2015, sa vision stratégique pour la Chine. C'est un texte qui a été traduit à l'anglais dans une revue qui s'appelle Heartland. Et là-dedans, on retrouve une vision du monde très intéressante. En gros, je résume. Lui, il compare les États-Unis à la Chine. Et pour lui, les États-Unis, c'est comme un boxeur qui veut avancer vers son adversaire, vers son ennemi, en ligne droite, les poings levés, qui veut le mettre immédiatement KO. Donc, il y a une certaine agressivité qu'il perçoit du côté des États-Unis. Tandis que pour ce général-là, la Chine, lui, il serait plutôt comme un adepte d'art martial, un peu plus subtil, qui essaie d'esquiver les coups, d'utiliser la force de son adversaire contre lui, qui doit se montrer rusé, qui doit éviter les pièges qu'on lui tend. Et c'est pour ça que Xiao Liang fait une lecture de l'histoire pour montrer le comportement qu'il juge agressif du côté des États-Unis. D'abord, lui, il fait une histoire du 20e siècle. Les événements les plus importants, c'est sans doute l'utilisation du dollar américain pour le commerce international. Lui, en gros, il voit la fin de la Seconde Guerre mondiale comme un pacte entre les États-Unis et le reste du monde. Le reste du monde utilisera les dollars américains pour leur commerce, mais les États-Unis leur promettent que vous pourrez au moins les échanger contre dollars. Mais là, les décennies passent, on arrive en octobre 73, et les États-Unis arrivent à convaincre l'OPEP, les producteurs de pétrole, l'Arabie Saoudite, en premier lieu, de vendre leur pétrole uniquement contre des dollars. Alors, toute l'économie mondiale carbure au pétrole, on ne pourra plus s'y procurer qu'en ayant des dollars. Qu'est-ce qui se passe? De fait, les États-Unis, je dirais, prennent la tête de l'économie mondiale, parce qu'on ne peut pas vivre sans pétrole. Pour avoir le moindre baril, il faudra faire les yeux doux aux États-Unis pour avoir des dollars. Alors, c'est un événement très important, selon notre général chinois, qui dit que le rôle des États-Unis dans le monde change, l'industrie américaine disparaît, les États-Unis deviennent finalement des rentiers, des financiers, ils se reconvertissent dans le conseil légal, finalement, ils parasitent le reste du monde, qui lui est productif. Le reste du monde commerce et produit, mais vu qu'ils sont obligés d'avoir des dollars américains, ils devront toujours faire des transactions qui passeront du côté des États-Unis, qui eux n'auront qu'à se servir au passage. Et il va plus loin que ça en disant que les États-Unis, qui s'engraissent sur la productivité du reste du monde, vont même fomenter des guerres économiques. Selon lui, on a des périodes de 10 ans où le dollar est facile à obtenir. Les États-Unis l'impriment, injectent les autres économies de dollars. Et du moment que 10 ans se sont écoulés, il y a 6 ans de dollars chers et difficiles à obtenir, et les économies ailleurs dans le monde s'effondrent. En gros, on peut comparer ça à les États-Unis qui sèment le blé quelque part dans le monde. Quand la récolte est prête, quand le blé a bien poussé, on fauche, on récolte, et on récolte tout ce qu'on a semé. À travers l'histoire, il y a plusieurs périodes qui recevaient beaucoup d'investissements en dollars et qui croyaient que la manne serait éternelle. Finalement, quand le dollar monte, ils sont détruits. Leur économie est en ruine. Ils doivent appliquer l'austérité qui leur est conseillée par les organismes internationaux, FMI et les autres. Et les États-Unis peuvent revenir et racheter pour une bouchée de pain toutes les industries, les fleurons des pays étrangers, fleurons de leur industrie qui sont vendus pour rien, finalement. C'est arrivé plein de fois dans l'histoire, toujours selon le général Liang. C'est arrivé en Amérique latine dans les années 70. Ils recevaient plein d'investissements de dollars américains. Puis, ils ont eu la crise de la dette en 79, tout à coup. Ils n'arrivaient plus à obtenir leurs dollars et l'Argentine en a particulièrement souffert, a dû faire un défaut. Claude Vaillancourt a parlé de l'Argentine il y a un an environ ici à l'émission. Après, ça se reproduit. C'était au tour de l'Asie de recevoir des dollars faciles. On parlait de tigre asiatique. On croyait que ça ne s'arrêterait pas. Puis tout à coup, crise de 97, alors que le dollar américain bondit tout à coup. Une crise économique à travers l'Asie, les pays sont à terre. Et le cycle recommence. Ensuite, en 2002, le dollar US baisse. Où est-ce qu'il s'en va? En Chine. La Chine reçoit des investissements massifs, incroyables. Et là, en 2014, le dollar commence à remonter tranquillement. Alors, qu'est-ce que le général Liang voit là-dedans? C'est que la Chine est la prochaine cible. Si on résume en une phrase, les États-Unis investissent en Chine et après, ils aimeraient que les industries chinoises s'effondrent et qu'ils pourraient ensuite rapatrier l'argent. Ce qui est inquiétant, selon lui, les investisseurs dans le monde continuent d'investir en Chine. C'est comme si le plan américain ne marchait pas. Le général Yang, il dit, il semble que les États-Unis commencent à réaliser qu'il n'est pas si facile de tondre la laine chinoise. C'est sa phrase. Oui. Parce que les gens continuent d'investir en Chine sans être bien inquiétés, là. Juste depuis septembre 2014 dernier, $1 trillion ont été investis à Hong Kong. Alors, c'est comme si la Chine était toujours un lieu de confiance pour les investisseurs. Alors, la réaction des États-Unis serait sûrement d'essayer de créer une crise régionale. Le mouvement Occupy Central à Hong Kong l'année dernière, le général Liang dit, c'est sûrement fomenté par les États-Unis, finalement. Au moment même où il disait qu'il allait que la Fed aux États-Unis allait remonter ses taux et que le dollar allait redevenir cher, c'est là qu'apparaissait ce mouvement-là, Occupy Central Hong Kong, c'était simultané. Et il nomme des exemples, évidemment, c'est sa version des faits, là. comme par exemple les États-Unis qui, en Argentine, ont finalement essayé de s'arranger pour qu'il y ait une crise, dans le sens qu'ils ont convaincu le régime argentin qu'il resterait neutre s'il y avait une guerre entre l'Argentine et l'Angleterre. Puis ensuite, il allait voir les Anglais pour leur dire « on est de votre côté à vous ». Finalement, ils remontaient l'un contre l'autre. La guerre de l'Irak, selon le général Yang, le seul but, c'était de faire bondir le prix du baril. C'était surtout que l'Irak est un grand producteur de pétrole. Et aujourd'hui, son opinion, c'est que c'est autour de la Chine. Il y a des incidents qui se multiplient tout autour de la Chine. En 2010, il y a un navire sud-coréen qui coule. On accuse la Corée du Nord de l'avoir fait couler. À l'est, il y a les îles Senkaku, que se disputent la Chine et le Japon. Il y a le récif de Scarborough, que se disputent la Chine et les Philippines. Et il y a les violences musulmanes et djihadistes à l'ouest, du côté des Ouïghours. On a parlé plus tôt, Occupy Central Hong Kong. Alors finalement, il y a comme des crises régionales assez inquiétantes du côté de la Chine, et la Chine est en mode défensif. Ils ont l'impression que c'est comme des agressions américaines. C'est intéressant de voir qu'eux se voient comme ça, attaqués. En gros, le challenger des États-Unis, c'est la Chine. Ça, c'est objectivement, c'est le cas. La question de savoir, c'est s'ils se voient attaqués, finalement, comment ils vont réagir? Et Xiao Liang, le général dont je vous parle, lui, il dit que la Chine doit réagir en faisant sa propre mondialisation. Si les États-Unis ont fait la mondialisation qui a créé le grand marché mondial, la Chine devrait créer le sien de son côté, devrait investir en yuan dans les pays qui sont à l'ouest, devrait devenir une force continentale, ou est-ce qu'il investirait dans toute l'Asie, pour que, finalement, on puisse pas... Il y a moins de chances que les États-Unis détruisent la Chine si la Chine est connectée. Si la Chine a des connexions commerciales avec les autres pays voisins, que le yuan a sa place. Et en fait, ici, la Chine veut aussi faire des alliances continentales. C'est qu'elle n'a pas la meilleure armée de mer. Hein. C'est les États-Unis qui la détiennent. Mais même là, c'est assez intéressant. Parce que quand on imagine la force états-unienne, on pense surtout à sa flotte, à ses navires, surtout aux porte-avions, qui sont vraiment les fleurons de cette flotte-là, même si, en fait, ils sont extrêmement vulnérables. Moi, si je dois le dire très simplement, si les États-Unis décident d'agresser carrément d'agresser la Chine, une flotte américaine qui rentrerait en mer de Chine n'en sortirait pas, elle serait détruite, parce qu'on est à une nouvelle ère. Ou est-ce que les porte-avions ne sont plus une arme efficace? C'était vraiment une arme des années 40 qui était appropriée pour la Seconde Guerre mondiale. Aujourd'hui, c'est aussi expliqué par le général Xiao Liang, plutôt une ère balistique, ou est-ce que c'est des missiles qui sont le nerf de la guerre? Et peu après son allocution, plutôt cette année, la Chine a révélé publiquement des modèles encore plus récents de ces armes, ces missiles, qu'on appelle des tueurs de porte-avions. Parce que, bon, si les porte-avions sont comme un peu les dinosaures de la technologie militaire, la manière appropriée de les détruire, finalement, c'est un peu de créer des météorites, parce que c'est ça essentiellement. C'est des objets qui doivent frapper leur cible à toute vitesse. On parle de missiles qui bougent à plus de 3500 km/h. C'est-à-dire qu'on ne les voit pas venir, on les ressent, mais on ne les voit pas arriver. Et ce type d'arme-là peut détruire des navires avant même d'être détecté. Alors, on parle d'armes qui empêchent la flotte américaine de manœuvrer comme elle le veut au Pacifique. La position de la Chine, défensivement, est très impressionnante. Va vraiment faire... On peut pas tenir de discours guerrier envers la Chine, c'est le moins qu'on puisse dire. Quoi qu'il en soit, Étienne, on pourrait d'ailleurs faire une émission spéciale prochainement sur la Chine. Quoi qu'il en soit, les affirmations des autorités chinoises à propos de leur politique économique ne frappe pas comme étant particulièrement empreinte de lucidité. Semble-t-il que la façon, en particulier, dont la Chine s'en est violemment prise aux étrangers en imposant, entre autres choses, un tarif douanier ou des tarifs douaniers très sévères sur les importations américaines récemment, elle a fabriqué des voitures qui n'aideront en rien son économie, mais qui vont empoisonner les relations commerciales. Tout ça ne donne pas l'impression d'être face à un gouvernement qui sait ce qu'il fait. Et il y a quelques faits anecdotiques que j'ai retrouvés sur reporter.net qui suggèrent que, tandis que le gouvernement chinois n'est pas contraint par l'état de droit, il est contraint par une corruption omniprésente, là, qui est en voie d'élimination, mais ça, on ne saura jamais assez, là, que c'est quand même un système plutôt corrompu. Ce qui veut dire que ce qui se passe réellement au niveau local pourrait ne pas ressembler à ce qui est ordonné par Pékin. On aura beau avoir de grands plans quinquennaux, essayer de prévoir ce qui va se faire pendant les 5 prochaines années. C'est un peu la différence entre l'économie capitaliste et l'économie planifiée. Là. On essaie de tout planifier. Comment peut-on planifier pour quasiment 1,5 milliard de population. Alors, il faut espérer d'être alarmiste. Il est impossible de ne pas être inquiet, je pense, de la situation en Chine. L'histoire de la Chine ressemble trop aux effondrements qu'on en a vus ailleurs. Puis, je pense que le Japon est un bel exemple de ce qui s'est passé dans les années 80. Notre économie mondiale, qui souffrait déjà de la situation chaotique en Europe, n'a vraiment pas besoin d'un nouvel épicentre de crise, un hégémon qui ferait pire que les États-Unis, quoi. Et qui se dégonflerait. J'ai un petit cadeau pour toi. Oh, baby, just you shut your mouth. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15 % au Café Castello, 2909 Première Avenue. cafépremièreavenue.com. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. De retour au Grain de Sable avec Étienne Blondeau, mais surtout Alizée Cochon, 100 % possible. Oui, oui, oui, oui. Alizée est une de ses membres du comité organisateur de cette marche. Ben, qui était prévu avant qu'on annule les marches à Paris, mais qui, effectivement, va jouer un rôle supplémentaire, soit de marcher. Alors, vous, gens de Québec, de Montréal, de partout à travers le Canada, vous êtes invités à marcher à Ottawa sur des thèmes qui étaient prévus avant, mais en plus, les gens d'Attaque France, les jeunes amis de la Terre internationale en France, partout dans le monde, plus de 160 organismes avaient prévu se réunir à Paris le 29 novembre et le 12 décembre, soit avant le début de la Conférence des Nations sur les dérèglements climatiques à Paris, et après, donc pour essayer d'encourager avant et d'analyser le résultat après. Il y avait plus de 200 000 personnes qui étaient prévues de marcher sur les rues. Puis moi, c'est une des raisons pourquoi j'y allais en France, entre autres comme correspondant pour l'émission Grain de Sable. Alors, des demandes d'accréditation avaient été faites. J'avais déjà des entrevues prévues avec des porte-parole d'Attaque France, des porte-parole des Amis de la Terre internationale, etc. J'essayais de voir si Stephen Guilbeault, notre icône internationale d'Équiterre, elle allait être là sur place. J'avais des recherches de fait. Les gens des Friends of the Earth Canada, Béatrice Olivasti, qui est la présidente représentante des Amis de la Terre du Canada, sera là. Je suis supposé être avec elle là-bas à Paris. Mais là, on se retrouve où on n'a plus le droit de marcher. Le gouvernement français, par la voix de Laurent Fabius, a annoncé que toutes les manifestations monstres, une façon de le dire, ont été annulées. Tout ce qui reste pour les gens en France et tous les centaines de groupes qui avaient amené leurs milliers de membres à venir marcher, eh bien, ils doivent faire de la désobéissance civile. Donc, les désobéissants qui seront en France le 29 novembre pourront aller prendre possession de certains centres commerciaux, pourront aller à l'espace Génération Climat, qui est un espace réservé à côté d'endroits où les chefs d'État vont se réunir à partir du 30 novembre, qui est la journée d'inauguration de cette conférence des Nations Unies sur les climats. Alors, pourront aller manifester là-bas. Puis on dit que, bon, certaines conférences dans cet espace Génération Climat sont consacrées à des produits qui sont pas tellement écologiques, comme par exemple les biocarburants. Certains veulent justifier l'énergie nucléaire, justement en remplacement de toutes ces énergies fossiles qui ont un impact sur l'émanation des gaz à effet de serre. C'est ce qu'on veut décider à Paris. On veut réduire la production du charbon, l'utilisation du charbon. Évidemment, d'essayer d'empêcher l'exploitation, l'extractivisme des sables bitumineux du Canada. Et d'ailleurs, je sais que Marie-Ève Leclerc, qu'on salue, et Alizée Cochon, vous êtes vraiment dans l'organisation de cette marche 100% climat. Et Marie-Ève même est allée à Paris il y a quelques mois pour préparer ce genre de marche, pour préparer des expositions sur les sables bitumineux. Alors, peut-être qu'il y aura une présence quand même québécoise ou canadienne pour manifester contre tous ces mauvais augures qui ont un impact sur le climat. Donc, si on est ici, puis on peut pas aller à Paris, là, c'est quand même pas donné. Là. Moi, ça m'a coûté bien plus cher que prévu, d'ailleurs, d'y aller. Qu'est-ce qu'on peut faire pour faire notre part, puis dire aux gens de Paris, oui, on est avec vous, Alizée Cochon. Mais en fait, oui, en fait, on a. Merci pour l'invitation. En fait, il y a une marche planétaire qui a lieu le 29, pas seulement à Paris, mais vraiment dans plein de villes à travers la planète. Puis nous, au Canada, ça se passe à Ottawa dimanche prochain. Donc, on convie les gens à venir marcher avec nous, monter dans un autobus pour aller parler à notre nouveau gouvernement. On a enfin quelqu'un qui est ouvert à la question climatique. Donc, c'est le moment d'aller l'encourager, d'aller démontrer l'appui de la population canadienne à la lutte au changement climatique et à l'importance des négociations qui auront lieu à Paris. Dans le fond, on demande, la marche s'appelle 100% possible parce qu'on croit que c'est 100% possible de se libérer des énergies fossiles au Canada, malgré qu'il y a certaines communautés au pays qui sont dépendantes de ces énergies-là. Mais dans le fond, on demande de mettre en place des infrastructures d'énergie renouvelable, de cesser de mettre en place des infrastructures au niveau des énergies fossiles, de mettre en œuvre la Déclaration des droits des peuples autochtones des Nations unies au Canada, dans le fond, qu'on écoute un peu nos autochtones sur les enjeux climatiques. Puis on demande également d'investir dans les emplois sobres en carbone. C'est les grandes demandes de la marche qui a lieu dimanche prochain. Puis nous, en tant que gens de la Ville de Québec, ce qu'on propose, c'est d'embarquer dans un des autobus organisés soit par Nature Québec, soit par Équiterre. On a un autobus qui part de l'Université Laval, fait une escale à Donnacona. Puis sinon, on a un autre autobus qui part du centre-ville, du centre Frédéric-Bac, sur l'avenue Salaberry et qui fait un arrêt à Saint-Apollinaire. Donc, il n'y a pas d'excuse de ne pas aller marcher à Ottawa. Les frais sont minimes, là, moins de 40 $ pour un aller-retour dans la journée. On part le matin, on se crinque dans l'autobus. Oui, il y a une belle ambiance. J'ai déjà fait pour aller marcher là, dans le bas du fleuve là, contre le projet Kakuna. Oui, à Kakuna, oui. Il y avait, puis c'est du beau monde. C'est du monde qui nous ressemble. En plus, exact. On se sent en famille, même si c'est des gens qu'on connaît pas. Oui, c'est ça. Souvent, les gens sont venus. On a eu l'exemple de la marche le 11 avril dernier, quand les gens sont venus marcher avec nous. Action Climat, ben oui. La marche Action Climat. Puis moi, je travaillais au niveau des autobus. Puis justement, les gens arrivaient, puis ils étaient crinqués, ça chantait dans les autobus. Donc, c'est à nous maintenant d'aller ailleurs. On les a reçus, les gens, pour manifester contre les changements climatiques. Donc, maintenant, c'est à nous d'aller faire le party à Ottawa la semaine prochaine. Puis, on doit faire des banderoles, là. C'est toujours intéressant, même, de se rendre juste pour voir les banderoles des autres. Moi, je me souviens d'avoir pris des centaines de photos. D'ailleurs, des choses ici, hein, comme il y avait une imitation de pipeline là, au-dessus de la porte Saint-Louis. Oui, oui. Il y avait des mascottes, là, des genres de grands, des avocats géants ou un juge, je sais pas trop. Il va y avoir ce genre d'animation-là. Oui, tout à fait. C'est pas mal à l'image, en fait, de la marche qu'il y a eu à Québec. C'est une manifestation festive, positive. On va là vraiment là pour démontrer toute notre vitalité, là, puis notre bonne humeur dans cette lutte-là. On la croit possible, donc on va marcher puis on le démontre. On a organisé d'ailleurs un atelier à Québec la semaine dernière ou il y a deux semaines, je sais plus, pour justement préparer toutes sortes de décors, de bannières, de banderoles. On a une éolienne, on a fabriqué une éolienne, entre autres, là, de 8 pieds, 9 pieds de haut. Ah oui? Ça va être magnifique pour démontrer que vous avez besoin de gens pour porter tout ça, là. Ouais, ouais, ouais. Ça va se laisser dans l'autobus. Toi, tu prends telle banderole. Exact, exact. Si vous n'avez pas vos banderoles de fait, on en a pour vous. Ah, ben, c'est super. vous savez que c'est pas moins de 2176 événements dans 57 grandes villes qui vont se produire. Puis une de ces 57 villes-là, dans la liste officielle, c'est Ottawa. C'est Ottawa, c'est nous. Oui. Et quoi d'autre? Il va-t-il avoir de la musique? Il me semble qu'il y a le band là, qui vient souvent ici là, avec Stéphane Groslot. Comment est-ce qu'il s'appelle? Qui joue de la musique, ils sont habillés en rose. Là, puis... Oui, Tête à mort. Tête à mort. Ils vont-ils être dans l'autobus, c'est ça? Ça me surprendrait pas. Ah, il faudrait bien. Il va avoir, en fait, plusieurs chorales. Ce qu'on va faire à Ottawa, en fait, on va marcher, on va festoyer. On arrive, la marche débute à 13h devant l'hôtel de ville d'Ottawa. On fait un circuit centre-ville et on termine devant le Parlement. Puis au Parlement, on va faire un peu une autre forme humaine. À Québec, on avait fait un beau thermomètre humain. Là, cette fois-ci, on demande aux gens de s'habiller en vert parce qu'on va créer un 100% possible pour dire, voilà, on est là, photo aérienne, 100% possible. Oui, vous aviez fait un thermomètre devant le Parlement de Québec le 11 avril. Puis là, ça va être quoi? C'est un 100% possible. Tous en vert. On s'habille en vert, puis à Québec, le mot d'ordre était le rouge, mais là, cette fois-ci, c'est le vert, puis on va faire un 100% possible. Ah, OK, des gens vont... Oui, une forme humaine, là. Je cherchais l'image du 100%, je cherchais le thermomètre dans le 100%, mais non, c'est... vous allez faire 1-0-0 avec le sigle pourcentage. Voilà, puis on aura des chorales au travers, on aura de l'animation, des musiciens... Donc, c'est sûr que ça va être très animé. Puis la présence des nations autochtones aussi, ils seront là. Oui. Puis c'est une marche qui est en fait organisée par des dizaines de collaborateurs. C'est vraiment une alliance de groupes environnementaux, communautaires, groupes citoyens, syndicats, autochtones, religieux, gens des milieux des affaires. On a Coolpa chez nous qui sont là, Greenpeace, Équiterre. On a même Ben & Jerry's, la crème glacée, qui ont embarqué dans le mouvement. Bref, c'est très, très large. Il va y avoir des gens du Vermont comme ça. Parce que ça vient du Vermont, je pense. Mais il y aura des gens partout, rigolo, assurément. On a des gens, des autobus qui partent du Québec, mais également là, beaucoup en Ontario, Toronto. Ah, la question qui tue, là, j'ai pas le son qui va avec. Vous attendez combien de personnes? Ah, on espère le plus possible. Non, mais là, c'est 100% possible de nous dire un chiffre, là. Disons qu'on a eu 100 000 il n'y a pas si longtemps à Montréal. On se souvient de cette grande marche aussi. Vous avez été impliqué dans cette grande marche-là. Oui, tout à fait. À Québec, on était 25 000. On peut espérer répéter le succès de Québec. 125 000? On additionne les 25 000 de Québec puis les 100 000 de... C'est pas mal le même monde, je me souviens. Là. Je ne les ai pas toutes reconnues, là, mais... Parmi, il y a beaucoup de gens qui venaient de l'extérieur quand on dit 25 000 à Québec. Puis il faisait un froid. Mais à Québec, j'étais dans les autobus, puis on a eu environ 70 autobus. Donc on parle d'environ moins 4 000 personnes qui se sont déplacées de l'extérieur. Donc c'était les gens de Québec qui ont marché le 25 avril dernier. On entendait de loin, ah, Québec, ville fonctionnaire, ça sortira pas. Maintenant, on a prouvé que la lutte au changement climatique, ça touche tout le monde. Puis les gens croient à la cause, puis croient qu'on a notre part à jouer là-dedans, puis que les gouvernements doivent écouter la population. Donc moi, j'invite nos auditeurs et tous les gens d'Équiterre et tous les gens qui vont aller marcher, qui sont déjà prévus dans les autobus réservés que vous avez mentionnés, à l'Université Laval et au Centre Frédéric-Bac, qui vont partir vers quelle heure, donc? Les autobus partent à 7 heures de Québec. Oui, puis pour s'inscrire dans l'un des autobus, il faut s'inscrire à l'avance. Il suffit d'aller sur le site sanspossible.ca. Il y a un onglet pour le transport des autobus et c'est sur la plateforme en ligne qu'on peut acheter son billet d'autobus. OK, mais est-ce qu'on peut payer sur place si vraiment on n'est pas équipé? Non, idéalement non. Les autobus se remplissent vite et c'est possible que le matin même, les autobus soient remplis. Bon, alors à vos ordinateurs réservés et soyez parmi les participants de partout à travers la planète qui, dans le cadre de 2176 événements dans plus de 57 grandes villes, qui vont marcher. Et j'invite aussi les gens à aller sur March for Me, parce que c'est un peu sous ce thème-là que les gens de Paris demandent, il peut en avoir plus que 57, d'ailleurs c'est probablement ça qui va arriver, partout dans le monde, les grandes villes, dans tous les pays de la planète dignes de ce nom, ils vont y avoir leur propre marche. Comme nous, pour le Canada, c'est à Ottawa. Y a-t-il quand même d'autres marches prévues? Non, c'est tout le monde à Ottawa. Au Canada, tout le monde à Ottawa. C'est le mot d'ordre pour qu'on ait vraiment une force de frappe là, devant le nouveau gouvernement. Oui, d'ailleurs, je pense le 11 avril dernier à Québec, il y avait des gens de Vancouver, j'en ai croisé, qui étaient venus en avion, en autobus et tout. Oui. Notez que toutes les émissions de gaz à effet de serre de nos autobus seront compensées. Oh, donc, ça, c'est important pour nous. J'ai tellement été critiqué à des amis à qui j'ai dit j'ai pris un billet d'avion pour aller à Paris. On dit, oui, c'est ça, l'écolo, là, tu sais. Ben là, j'écoutais, je venais parler à Mylène Paquette, là, d'essayer de traverser, mais il faudrait déjà être parti depuis une couple de mois. J'ai essayé d'embarquer sur un paquebot, mais c'est pas sûr, avec la température qui annonce que je vais arriver en vie. Donc, je pense, dans l'occasion, c'est quand même mieux de prendre l'avion à Paris, mais je suis déçu, j'aurais vraiment aimé mieux être à Ottawa avec vous. Puisqu'il n'y aura pas de marche à Paris, même si on va peut-être essayer de faire de la désobéissance civile et le long du tracé prévu, tout cas, ils vont essayer de mettre quand même les choses comme vous avez préparé là, des pipelines puis des éoliennes. Ben, eux aussi avaient prévu plein d'objets et ils vont quand même être là sur les trottoirs. Donc, si ils ne peuvent pas occuper la rue n'est pas à eux, ben, ils vont essayer d'occuper le trottoir. Mais connaissant un peu comment l'état de guerre et l'état policier qu'est maintenant la France... Ça va vraiment être un geste de désobéissance civile d'essayer de refaire des manifestations qui ont été annulées. Donc, la façon de faire, c'est « March for me », donc « Marcher pour les gens de Paris », « Marcher pour vous », « Marcher pour l'avenir de la planète ». Et ben, tant qu'à être avec quelqu'un d'Équiterre, parlez-nous donc d'Équiterre, là. Est-ce que effectivement c'est Néribaud qui est dirigeant avec Stéphane Guilbeault, Laure Varidel, vont aller faire quand même un petit coucou à Paris pendant... Oui, certainement. Nous, on participe chez Équiterre à chaque année aux différentes COP, aux différentes rencontres des Nations Unies à cette période-ci de l'année. Puis cette année, on a une délégation, là, effectivement, Stephen Guilbeault sera là. Et on organise aussi cette année, dans les événements à Paris, c'est nous qui avons la charge de la soirée des Canadiens et des Canadiennes. Donc, c'est une soirée là où les politiciens présents, toute la communauté canadienne se rencontre. Donc, nous, on organise cette soirée-là cette année. En plus d'assister là, à la COP Paris, là, on est vraiment inscrit, on est enregistré au niveau de la COP. Vous avez des secrétaires. Oui, d'ailleurs, on ne peut pas s'imaginer une conférence des Nations Unies sur les changements climatiques sans la présence de Stephen Guilbeault. Il me semble ça, depuis que je suis ça, moi, c'est Stephen qui est là, que ce soit pour Greenpeace, Équiterre maintenant, et il est tellement un bon porte-parole, ambassadeur, et moi, je sais, quand j'échange avec Stephen, et que j'en fais un rapport aux Friends of the Earth Canada, ils sont toujours contents de savoir que Stephen est au courant de ce que les Amis de la Terre veulent faire, de ce qu'Attaque France, Attaque Québec veulent faire. Vraiment, c'est un bon ambassadeur et heureusement, ben il fait pas de politique là. Lui, il va là puis il nous parle pas avec sa langue de bois, mais avec ce qu'il faut savoir. Donc, oui. J'espère bien que Stephen Guilbeault. D'ailleurs, déjà j'ai eu des échanges avec les gens des relations de presse d'Équiterre. Déjà, c'est prévu que Stephen Guilbeault fasse partie de l'émission Grain de sable le 5 décembre ou le 12 décembre. Ça va dépendre de l'horaire, mais je pense que dans le cas de Stéphane, ça serait mieux de l'avoir le 12 décembre, une fois que les chefs d'État se seront penchés sur un possible protocole Kyoto Plus. Eh bien, je pense que Stéphane sera celui qui pourra nous analyser là, ce qu'on devra faire pour la mise en œuvre, est-ce que ça sera possible. Et je sais que, par hasard, je pense que son directeur de thèse, c'est un dénommé Stéphane Dion. Donc, on va sûrement avoir l'information privilégiée avec un gouvernement. Comme vous le disiez si bien, c'est semble plus facile de travailler avec. Je pense pas qu'on ait, en tout cas, à ma connaissance, un prix citron. Ou Prix fossiles. Les prix fossiles. Puis il y a aussi les prix Pinocchio qui devront sortir prochainement. Mais ça, c'est plus pour les entreprises, non pas les États. Mais ceux qui sont en nomination pour les prix Pinocchio, c'est Total de France, grand producteur mondial français. Et des producteurs de charbon en Chine, justement, qui peut-être qu'ils ont une bonne cote de ce temps-ci parce qu'ils ont fermé plusieurs milliers d'exploitations. Il y a aussi, c'est toujours les mêmes, là, les grandes compagnies de pétrole, de charbon et des compagnies dans le domaine de l'agriculture en Inde. Qui pourrait se mériter certains prix Pinocchio, mais on va tenir au courant. Merci beaucoup, Alizée Cochon, d'être venue d'Équiterre. Et d'ailleurs, est-ce qu'il y aura des artistes avec vous? À Ottawa, ouais. Certainement, on a déjà plusieurs appuis. Jane Fonda, on a beaucoup de... Jane Fonda? Ouais, elle nous a appuyés. Je sais pas si elle va être présente, mais chose certaine, là, elle est avec nous. On a différents artistes là comme ça, beaucoup plus au niveau canadien-anglais. Mais oui, on aura... ça va être festif. C'est sûr que vous allez croiser des vedettes là, à Ottawa, c'est sûr. Oui, c'est sûr. La dernière fois, j'avais croisé J.C. Lauzon, j'avais croisé qui d'autre? Dominique Champagne, qui marchait là, tout bonnement. Pas en avant, là, avec les mots-tu vu, là, mais derrière, comme vous et moi. Donc, joignez-vous à eux. Et d'ailleurs, Marie-Pierre, as-tu à quoi nous dire? Amène-moi de Marie-Pierre Arthur. Oui, oui, oui. Donc, amenez-vous-en. Allez prendre le votre site Internet 100% possible pour réserver votre participation à cette marche qui attend des milliers de personnes. C'est une place pour être solidaire avec ce qui s'est passé à Paris aussi. Donc, ne vous en faites pas. On est dans un pays sécuritaire. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On espère que vous avez aimé notre version Grain de sable aujourd'hui. Je salue et remercie encore une fois la participation d'Étienne Blondeau. Et qu'est-ce qu'on doit retenir sur la Chine comme ça? On doit retenir qu'elle n'est pas dans une position agressive et qu'elle essaie de faire des efforts en termes écologiques. Il faut la soutenir là-dedans. Je crois que c'est très important. Donc, vive la Chine, vive la France et tous nos sincères condoléances aux gens qui ont été touchés par les attentats ici et en Afrique maintenant. Et on surveille ce qui se passe à Bruxelles. Notre prochaine émission, Étienne, est-ce qu'on a tablé sur ce dont on va vous parler à grain de sable à partir de Paris, d'ailleurs? On va en discuter. En fait, je vais mettre ça sur le site dès que possible. Donc, normalement, on devrait avoir un porte-parole des Amis de la Terre internationale, puisque je serai en rencontre avec eux dans l'après-midi, heure de Paris. Mais en soirée, je devrais être capable de ma chambre d'hôtel ou de la Délégation générale du Québec à Paris, la possibilité de faire l'émission grâce à la collaboration, justement, du réalisateur technique de l'émission qui suit, les Geeks ou les Geeks. Contre-attaque. Alors, merci à Michel Gauthier de rendre ça possible, que l'on puisse faire l'émission comme prévu. Il y aura aussi des capsules de Jacques Bégelina qui seront consacrées au fameux néo-libre-échangisme et ses hyper-collusions. Il y aura donc des reportages de prévus sur place à partir de Paris. J'ai la permission de partir avec l'enregistreuse et on tentera d'avoir le meilleur son possible pour vous à partir de Paris. Donc, rendez-vous la semaine prochaine à partir de Paris, et d'ailleurs, vous pourrez écouter l'émission dans les autobus en vous rendant manifester, vous aussi, pour être solidaire avec les gens de Paris. March for you. Merci beaucoup, Grain de sable. C'était Jean Cloutier, Étienne Blondeau, Alizé Cochon pour le Grain de sable de cette semaine. Téléchargez le Grain de sable sur ckrl.qc.ca ou abonnez-vous à son podcast sur iTunes. Le Musée de la civilisation présente l'exposition « Ligne de vie ». Découvrez une sélection inédite d'œuvres contemporaines des Autochtones d'Australie. Plongez dans l'histoire ancestrale de ces premiers peuples et entrez dans un monde de couleurs, de beauté et d'émotions. Première exposition d'envergure sur ce thème au Canada, avec une centaine d'œuvres majeures, « Ligne de vie » présente des créations aux dimensions politiques et identitaires qui figurent parmi les grands mouvements artistiques du 20e et 21e siècle. « Ligne de vie » au Musée de la civilisation jusqu'au 5 septembre 2016. Kalachnikov, la compagnie, a décidé de refaire un branding, de refaire l'image du très vieux et quand même vénérable fusil, le AK-47. À partir de maintenant, le Kalachnikov, mesdames et messieurs, est une arme de paix. Toute l'actualité techno dans l'émission Les Geeks contre-attaquent dans un instant. Ouais, c'est sûr. C'est des chips de 6 pouces de large et de 4 mm d'épais. Voilà. Ouais. Ils sont plus gros que les chips ordinaires en plus. Qui viennent avec un petit sachet, que ça a l'air de la mayonnaise, mais en réalité, c'est du Saint-Doux. Ouais. Puis il y a comme plus de sel dedans. Puis en dedans, il y a du gravy. Ouais, c'est ça. Dans le fond, c'est la sauce qui tient le sel ensemble. Oh my God, qu'on est rendu loin! Le sac lui-même est frit. Les propriétés Marvel, Disney, oh Star God. Wars, Square Enix, Final Fantasy, dans la série qui... Du 10 au 28 novembre, au Théâtre Périscope, découvrez Sauvageau Sauvageau avec Paul Savoie et Gabriel Zabot. Le Huffington Post, la mise en scène de Christian Lapointe offre un spectacle remuant et touchant. La presse, 4 étoiles, incandescent, la construction du spectacle est impeccable. Le Devoir, un regard impitoyable sur nos dérives sociétales. Sauvageau Sauvageau, une création du Théâtre Blanc et du Centre du Théâtre d'aujourd'hui. Réservé au théâtrepériscope.qc.ca ou au 418-529-2183. Le Cercle Lab Vivant et District 7 Productions présente Elliot Broad. Elliot Broad de Toronto, un band aux sonorités folk rock, acoustique et soul. Première partie, Sarah J.